bien, ¿no? C'est 65. Sans l'apéro en avance, il est 17h14. Salut Phil, bonne soirée. Putain, ça me donne une idée. C'est à toi, ça ? On peut prendre, hein ? C'est pas une compo ? Ah, coco. Coco. Coco. Coco. Coco. Moi, je faisais une séquence mix. Et toi, tu reviens toujours en... Non, non, c'est... C'était basse. C'est la basse, ça, non ? Les accords. Après, tu peux faire toujours ton solo, là. Enfin, remets-le, ton truc. Sauf erreur de ma part. Il y a un problème. C'est pas carré. Bon, c'est pas grave. Ça n'empêche pas qu'on peut s'inspirer. Par contre, il y a un problème de... Le truc est pas carré. Ça synchronise plus, mais non. Synchro. Ah oui, d'accord, je suis à 135. Passa.